et grands feuilletons de France Culture. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, premier épisode, le Pharaon. Marseille, le 24 février 1815. Mais où court donc tout ce monde? Eh bien, sur la plateforme du Fort Saint-Jean. Que se passe-t-il? Le pharaon est en vue, après plus d'un jour de retard. Ils viennent de Smyrne, Trieste et Naples. Et est-ce que ce n'est pas M. Morel, son armateur, qu'on voit là-bas, dans cette barque? Eh oui, c'est lui, il va à la rencontre de son promail. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal à bord. Allons voir. Arrivé. Il est mort. Tombé à la mer. Non. Non, la fièvre l'a pris quand nous avons quitté Naples. 3 jours après, il mourait. Nous lui avons fait les funérailles ordinaires. C'est bien. Et du moment que vous m'assurez que la cargaison est en bon état... Je vous en réponds. Parfait. Un instant, s'il vous plaît. Range la carte et les voiles d'une, le phoque et la brigantine! Faites penaud! Amen et cargue partout! Maintenant, vous pouvez monter, monsieur Morel. Tenez, attrapez! Ah, voici mon comptable. Bonjour, Danglars. Bonjour, monsieur Morel. Encore un instant, monsieur Morel, je vais mettre le navire en deuil et veiller au mouillage. Oui, oui, Edmond, allez. Eh bien, vous savez le malheur? Oui, pauvre Leclerc. C'était un brave et honnête homme. Et un excellent marin, vieilli entre le ciel et l'eau. Oui, mais... Voyez faire, Dantès. Il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être si vieux marin pour connaître son métier. Oui, c'est jeune et cela ne doute de rien. C'est ainsi qu'il nous a fait perdre un jour et demi à l'île d'Elbe, au lieu de revenir directement à Marseille. Sur ce point, il a eu tort. À moins que le navire n'ait eu quelque avarie à réparer. Bon, le navire se portait comme je me porte. Cette journée et demie a été perdue par pur caprice. Bien, bien, je verrai... Dantès, venez ici. Oui, monsieur. Pourquoi vous êtes-vous arrêté à l'île d'Elbe? C'était pour accomplir un dernier ordre du capitaine Leclerc qui en mourant m'avait remis un paquet pour le grand maréchal Bertrand. Vous l'avez donc vu? Qui? Le grand maréchal. Oui. Et comment va l'empereur? Bien, tant que j'ai pu en juger par mes yeux. Vous avez donc vu l'empereur aussi? Il est entré chez le maréchal pendant que j'y étais. Et vous lui avez parlé? C'est-à-dire que c'est lui qui m'a parlé, monsieur. Et que vous a-t-il dit? Bien, il m'a posé des questions sur le pharaon. Il l'aurait bien acheté, mais s'il avait été vide. Je lui ai dit qu'il appartenait à la maison Morel et fils. Et il s'est rappelé qu'il y avait un Morel de Marseille dans son régiment à Valence. C'était mon oncle, Policard Morel. Vous avez bien fait de suivre les instructions du capitaine Leclerc. Quoique si l'on savait que vous avez remis un paquet au maréchal et causé avec l'empereur, cela pourrait vous compromettre. Pourquoi? Je ne sais même pas ce que je portais. Et l'empereur ne m'a dit que des choses banales. Ah, voici la santé et la douane. Vous permettez? Faites, mon cher Edmond. Monsieur Morel? Oui, Danglars? Est-ce que Dantès vous a remis une lettre du capitaine? Non. En avait-il une? Je croyais qu'outre le paquet, il lui avait confié une lettre. De quel paquet voulez-vous parler, Danglars? Celui que Dantès a déposé à Portoferraio. Comment savez-vous qu'il avait un paquet à déposer à Portoferraio? C'est-à-dire que je passais devant la porte du capitaine, qui était entr'ouverte. Je lui ai vu remettre ce paquet et cette lettre. Il ne m'en a pas parlé, mais s'il a une lettre, il me la remettra. Je ne me suis sans doute trompé. Aussi, je vous prie de ne point parler de cela à Dantès. Je vais préparer mes livres. Oui, oui. Voilà, tout est en ordre, monsieur. Dans ce cas, vous êtes libre? Oui, monsieur. Alors, venez donc dîner à la maison. Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur Morel, mais je dois ma première visite à mon père. Très juste. Mais après cette visite, nous comptons sur vous. C'est que j'en ai une seconde qui ne me tient pas moins à cœur. Oui, j'oubliais qu'il y a au Catalan quelqu'un qui doit vous attendre avec non moins d'impatience que votre père. Hein? La belle Mercedes. Peste, Edmond, vous n'êtes pas à plaindre. Vous avez là une bien jolie maîtresse. Ce n'est pas ma maîtresse, monsieur. C'est ma fiancée. C'est quelquefois tout un. Pas pour nous, monsieur. Bon, bon. Je ne vous retiens pas si vous n'avez plus rien à me dire. Non, monsieur. Dites-moi, en mourant, Leclerc ne vous a pas donné une lettre pour moi? Oh, il lui eût été impossible d'écrire. Mais cela me rappelle que j'aurai un congé de 15 jours à vous demander. Pour vous marier? D'abord, oui. Et pour aller à Paris. Prenez le temps que vous voudrez. Nous ne pourrons guère reprendre la mer avant 3 mois. Et le pharaon ne pourrait pas repartir sans son capitaine. Sans son capitaine? Est-ce que vous voulez dire que votre intention serait de me nommer capitaine du pharaon? Certainement. Oh, monsieur. Oh, je vous remercie au nom de mon père et de Mercedes. Allez vite les voir et venez me retrouver après. Voulez-vous que je vous ramène à terre? Non, non, merci. Je reste à régler mes comptes avec Danglars. Bien. Au fait, avez-vous été content de lui pendant le voyage? C'est selon le sens que vous attachez à cette question. Je crois qu'il ne m'aime pas. Oui, je l'ai deviné. Mais comme comptable, il n'y a rien à dire. Ah. Quand vous serez capitaine du pharaon, aimerez-vous garder Danglars avec vous? Capitaine ou second, j'aurai toujours les plus grands égards pour ceux qui posséderont la confiance de mes armateurs. Ah, vous êtes en tout point un brave garçon, Edmond. Allez. On vous attend. Edmond, oh, c'est toi, mon cher fils. Oh, Mais vous défaillez, qu'avez-vous? Remettez-vous. C'est bien moi, je reviens, nous allons être heureux. Oh, tant mieux, mon garçon, tant mieux. Oui. Mais que le Seigneur me pardonne de me réjouir d'un bonheur fait avec le deuil d'une famille. Que veux-tu dire? Le capitaine Leclerc est mort. Et il est probable que je vais avoir sa place. Capitaine à 20 ans, avec 100 louis d'appointement et une part dans les bénéfices. N'est-ce pas plus que ne pouvait espérer un pauvre matelot comme moi? Oh, en effet, c'est heureux, mais si bien mérité, Edmond. Nous allons trinquer tous les deux pour célébrer le retour du fils. Vous mettez-vous votre vin? Non, merci. Je ne veux rien. Si fait, indiquez-moi l'endroit. Oh, inutile. Il n'y a plus de vin. Comment plus de vin? Auriez-vous manqué d'argent, père? Je n'ai manqué de rien, puisque te voilà. Je vous avais laissé 200 francs, pourtant, il y a 3 mois en partant. Oui, mais tu avais oublié une petite dette chez le voisin Cadros. Ah, c'est vrai. Il me l'a rappelé, en me disant que si je ne payais pas, il irait se faire payer chez M. Morel. Alors, tu comprends, de peur que cela te fît du tort, j'ai payé. Mais c'était 140 francs que je lui devais. Oui. Et vous les avez payés? De sorte que vous avez vécu 3 mois avec 60 francs. Oh, tu sais combien il me faut peu de choses. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Oh, te voilà, tout est oublié. Ah. Tenez, père, prenez. Et envoyez chercher tout ce qui fait défaut ici. Vous attendiez une visite? Non. Tu ne l'as pas reconnu? C'est la voix de Cadros. Il aura appris ton retour et il vient te saluer. Encore des lèvres qui disent une chose tandis que le cœur en pense une autre. Mais n'importe, c'est un voisin qui nous a rendu service autrefois, qu'il soit le bienvenu. Entrez donc, Cadros. Et voyez qui nous est revenu. Danglars m'a fait part de ton retour, Edmond. Alors je suis accouru pour avoir le plaisir de serrer la main d'un ami. Ce bon Cadros, il nous aime tant. Certainement que je vous aime, hein? Et je me réjouis de voir toutes ces pièces d'or sur la table. Tu deviendrais donc riche, mon garçon? Cet argent n'est pas à moi. Il est venu là tout seul, alors? Non, je manifestais au père la crainte qu'il lui manquait quelque chose en mon absence et pour me rassurer... Il a vidé sa bourse sur la table. Une somme rondelette. Allez, père, remettez cet argent dans votre tirelire, à moins que le voisin n'en ait besoin à son tour. Ah non, pas garçon. Je n'ai besoin de rien. Bien, alors dans ce cas, et avec votre permission, mon père, j'aimerais aller faire visite aux Catalans. Va, mon garçon. Je sais bien que là-bas, derrière la citadelle de Saint-Nicolas... Il y a quelqu'un qui t'attend. La belle Mercedes. Que Dieu te bénisse dans ta femme comme il m'a béni dans mon fils. Sa femme, comme vous y allez, Père Dantès, elle ne l'est pas encore. Non, mais selon toute probabilité, elle ne tardera pas à le devenir. N'importe. Tu fais bien de te dépêcher, Edmond. Que voulez-vous dire? Mercedes est une belle fille. Et les belles filles, ça ne manque pas d'amoureux. Vraiment? Il est de beau parti, même. Bon, tu vas être capitaine, il paraît. On aura garde de te refuser, toi. Ce qui veut dire que si je n'étais pas capitaine... J'ai meilleure opinion que vous des femmes en général et de Mercedes en particulier. Que je sois capitaine ou non, elle me restera fidèle. Tant mieux. C'est toujours une bonne chose d'avoir la foi quand on va se marier. Ne perds pas de temps, va lui annoncer ton arrivée. Va lui compter tes espérances. J'y vais. Thank you. Eh bien, tu l'as vu? Je le quitte. T'a-t-il parlé de son espérance d'être capitaine? Il en parle comme s'il était déjà. Oh, patience. Il se presse un peu trop, le matelot. Mais dame, si la chose lui est promise par M. Morel. Capitaine, il ne l'est pas encore. Si nous le voulons, il restera ce qu'il est. Et peut-être même deviendra moins qu'il n'est. Danglars, tu déraisonnes? Non, je me parle à moi-même. Il est toujours amoureux de la belle catalane? Amoureux fou. Il est près d'elle en ce moment. Mais où je me trompe fort, où il aura du désagrément de ce côté-là. Explique-toi. À quoi bon? C'est plus important que tu ne crois. Tu n'aimes pas Dantès, hein? Je n'aime pas les arrogants. Bon. Alors dis-moi ce que tu sais. J'ai vu des choses du côté du chemin des vieilles infirmeries. Quelle chose? Un grand gaillard de catalan à l'œil noir qui accompagne la belle chaque fois qu'elle vient en ville. Elle l'appelle mon cousin. Parle de cousin. Et tu crois que ce cousin lui fait la cour? Le diable peut faire un garçon de 21 ans à une belle fille de 17. Oui, tu as raison. Et tu dis que Dantès est au catalan? Il y est parti devant moi. Très bien. Allons à la réserve. Tout en buvant un verre de vin, nous attendrons des nouvelles. Et qui nous en donnera? Nous serons sur la route et nous verrons bien sur le visage de Dantès ce qui se sera passé. D'accord. Allons chez le père Pamphile. Et c'est occupé? Évidemment. Voyons, Mercedes, voici Pâques qui va revenir. N'est-ce pas le moment de faire une noce? Mais répondez-moi. Je vous ai répondu 100 fois, Fernand, et il faut en vérité que vous soyez bien ennemi de vous-même pour m'interroger encore. Eh bien, dites-moi pour la 100e fois que vous refusez mon amour. Qu'approuvait votre mère? Faites-moi bien comprendre que vous vous jouez de mon bonheur, que ma vie et ma mort ne sont rien pour vous. Ah, mon Dieu, avoir rêvé 10 ans d'être votre époux, Mercedes, et perdre cet espoir qui est elle... le seul but de ma vie. Je ne vous ai jamais encouragé. Je vous ai toujours dit, je vous aime comme un frère, mais n'exigez jamais de moi autre chose que cette amitié fraternelle, car mon cœur est à un autre. Ah oui, je le sais bien. Mais vous oubliez que c'est parmi les Catalans une loi sacrée de se marier entre eux. Vous vous trompez, Fernand, ce n'est pas une loi, c'est une habitude. Voilà tout. N'importe. Ce que je sais, c'est qu'aimé de vous, je tenterai la fortune et vous me portez bonheur, je deviendrai riche. Je puis étendre mon état de pêcheur, je puis entrer comme commis dans un comptoir, je puis devenir moi-même marchand. Demeurez donc pêcheur, ne faites point de rêves qui vous feraient paraître la réalité plus terrible encore. Et contentez-vous de mon amitié, puisque je ne puis vous donner autre chose. Est-ce bien résolu? J'aime Edmond Dantès, et nul autre qu'Edmond ne sera mon époux. Et vous l'aimerez toujours? Tant que je vivrai. Mais s'il est mort? Je mourrai. S'il vous oublie? Mercedes! Ah, tu vois bien qu'il ne m'a pas oublié, puisque le voilà. Mercedes. Ah, Edmond. Mon amour. Quel bonheur. Ah, pardon. Je n'avais pas remarqué que nous étions 3. Qui est-ce, monsieur? Monsieur sera votre meilleur ami, Edmond, car c'est mon ami à moi, mon cousin, mon frère. C'est Fernand, l'homme qu'après vous, j'aime le plus au monde. Ne le reconnaissez-vous pas? Si fait. Allons, serrez-vous la main? Non. Je ne savais pas venir avec tant de hâte chez vous, Mercedes, pour y trouver un ennemi. Un ennemi chez moi? Si je croyais cela, je m'en irais à Marseille, quittant la maison pour n'y plus jamais revenir. Et s'il t'arrivait malheur, mon Edmond? Je monterais sur le cap de Morghiou et je me jetterais sur les rochers la tête la première. Mercedes. Mais tu t'es trompé, Edmond. Tu n'as point d'ennemis ici. Il n'y a que Fernand, mon frère, qui va te serrer la main comme à un ami dévoué. Fernand, où cours-tu? Es-tu donc si pressé que tu n'aies pas le temps de dire bonjour aux amis? Et surtout quand ils ont une bouteille presque pleine devant eux. Allez, viens, assieds-toi. Pamphile, apporte un verre de flux. Voilà. Quelque chose qui ne va pas? Oh. Tu veux que je te dise, Catalan? Eh bien, tu as l'air d'un amant déconfit. Tu te moques, Cadrousse. Taillé comme il l'est, le Catalan n'est pas fait pour être malheureux en amour. Il est amoureux de la belle Mercedes, qui est amoureuse de Dantès, lequel Dantès vient de rentrer au bercail. Tout s'enchaîne. Alors, buvons. Et que ce vin de la Malgue pétille dans nos têtes autant que dans nos verres. Et à quand la noce? Oh, elle n'est pas encore faite, hein. Non, mais elle se fera aussi vrai que Dantès sera le capitaine du pharaon. N'est-ce pas, Danglars? Tais-toi, tu es ivre. De ce côté-là, rien n'est encore fait non plus. Buvons tout de même au capitaine Edmond Dantès, mari de la belle Catalane. Ah, je ne tirerai rien de celui-ci qui n'a que des humeurs de femme, ni de celui-là qui se grise de vin, alors qu'il devrait s'enivrer de fiel. Hé, voyez donc qui vient là-bas, en haut de la butte, hein? Je crois bien que je commence à avoir trouble, mais... Regarde, Fernand. Tu as meilleure vue que moi. Dieu me pardonne le vin que je viens de boire, mais ne dirait-on pas deux amants, hein? Ils se donnent la main, hein, les coquins. Et voilà qui s'embrassent. Tu ne te sens pas bien, Fernand? Te voilà tout blême. Hé, Catalan. Je vois que tu les as reconnus, ces deux tourtereaux. Ah, oui, je les ai reconnus. Ouais, Dantès. Ouais, la belle fille. Venez par ici un peu. Et dites-nous à quand la noce. Voyons, Cadrousse. Laissons les amoureux s'aimer en paix. Regarde Fernand et prends exemple. Il est raisonnable, lui. Olé, Edmond. Tu ne vois donc pas les amis? Ou est-ce que tu es déjà trop fier pour leur parler? Non, mon cher Cadrousse, je ne suis pas fier. Je suis heureux. Et le bonheur aveugle, je crois, encore plus que la fierté. Ah, la bonne heure. Et bonjour, madame Dantès. Ah, ce n'est pas encore mon nom. Dans mon pays, cela porte malheur d'appeler les filles du nom de leur fiancé avant le mariage. Appelez-moi Mercedes, je vous prie. Il se trompe de si peu de choses qu'il faut lui pardonner. Ainsi, la noce est pour bientôt, monsieur Dantès? Dîner de fiançailles demain ou après-demain, ici, à la réserve. Tous mes amis y seront, enfin j'espère. C'est dire que vous êtes invité, monsieur Danglars. Et vous aussi, Cadrousse. Et Fernand, il en est aussi? Le frère de ma femme et mon frère. C'est avec un profond regret que Mercedes et moi le verrions s'écarter de nous en un pareil moment. Demain ou après-demain, les fiançailles? Oh, vous êtes bien pressé, capitaine. Monsieur Danglars, ne me donnez pas le titre que je n'ai pas encore. Oh, pardon. Je voulais dire simplement que vous paraissiez bien pressé. Le pharaon ne reprendra pas la mer avant 3 mois. On est toujours pressé d'être heureux. Et puis, il faut que j'aille à Paris. Vraiment? C'est la première fois que vous y allez, Dantès? Oui. Vous y avez affaire? Ou pas pour mon compte. Une dernière commission de notre pauvre capitaine Leclerc. Vous comprenez, c'est sacré. Oui, je comprends. Mais je ne prendrai que le temps d'aller et revenir. Eh bien, bon voyage, Dantès. Merci. Au revoir. Au revoir, les amoureux. À Paris. Sans doute pour remettre à son adresse la lettre que le grand maréchal Bertrand lui a donnée. Pardieu, cette lettre me donne une excellente idée. Ah, Dantès, mon ami, tu n'es pas encore couché au registre du pharaon sous le numéro 11.